Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce soir. Tu nous donnes encore l'occasion de te célébrer, d'être parmi ceux-là qui peuvent encore t'adorer ce soir. Que l'honneur et la louange reviennent à toi et à toi seul. Le maître des temps, le maître des circonstances, il t'a plu, Seigneur, qu'en ce jour, ce soir, est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence de notre Dieu et accueillir la présence de notre Dieu? Notre Dieu est déjà présent au milieu de nous. Alors que nous nous réunissons autour de son nom, il est là. Il est au milieu de nous. Est-ce qu'en signe de respect pour notre Dieu, nous pouvons nous tenir debout et commencer à les remercier, commencer à l'adorer, commencer à lui adresser encore de paroles de reconnaissance en son honneur? Est-ce que des voix peuvent s'élever dans nos maisons? Est-ce que des voix peuvent s'élever partout là où nous sommes et former un cœur d'adoration? Est-ce que nous pouvons nous unir aux anges qui ne cesse d'adorer le Seigneur, qui ne cesse de le célébrer, qui ne cesse de dire chaque jour, chaque nuit, chaque matin. Et ils disent, saint, saint est le Seigneur, la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia, bien-aimés, est-ce que nous pouvons élever nos voix et adorer le Seigneur? Adorons le Seigneur, notre Dieu, il est au milieu de nous. Il est digne de recevoir nos louanges. Il est digne de recevoir notre adoration encore ce soir. Lui, c'est lui notre Père, c'est lui notre Dieu, celui qui détient son âme, celui qui détient toutes choses. Tout est sous son contrôle et rien ne échappe. Rien ne échappe à son contrôle. Il est digne que nos cœurs se tournent vers lui. Il est digne que nos pensées se tournent vers lui. Il est digne que toute notre force se tourne vers lui. Il est digne que notre âme se tourne vers lui. Il est digne que toute notre attention soit tournée vers lui. Oh, alléluia, notre Dieu. Nous renouvelons notre confiance en l'Éternel ce soir. Nous renouvelons notre confiance. Nous lui disons, Seigneur, c'est toi notre Dieu. C'est toi notre Dieu. C'est toi notre Dieu. Nous n'allons pas fuir dans les montagnes. Nous n'allons pas fuir dans les vallées. Mais nous allons faire recours à toi. Nous allons t'adorer au milieu de joie, au milieu de troubles, au milieu du feu. Nous allons t'adorer, Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever la main vers le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut lever la main vers le Seigneur et commencer à adorer et dire, Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Toi quoi Yeah. Tu es digne de recevoir la gloire, la louange, Sifa. Nous venons encore auprès de toi aujourd'hui, ce soir. Pour reconnaître que tu es notre Dieu. Bénis notre culte. Merci de recevoir cette adoration. Merci de nous agréer. Dans le nom de Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur, le Dieu qui nous reçoit dans sa présence cet après-midi. Il est notre Dieu. Où que nous soyons, dans n'importe quelle position, il est avec nous. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Comme nous sommes dans notre culte, il est possible que tu aies prévu d'offrir à ton Dieu. Nous allons prier pour cela. Jésus, merci pour ces cultes. Merci de recevoir notre adoration. De recevoir cette offrande que nous élevons devant toi. Et de bénir ton peuple. Partout où nous suivons ces cultes, reçois, ô Dieu, nos actions de grâce. Reçois notre reconnaissance. Nous reconnaissons que tu es la source de nos ressources. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore apprécier le Seigneur? L'élever plus fort que ça. Parce qu'il est digne d'être élevé. Son nom est redoutable. Il est élevé au-dessus de tout. Et il a prévu quelque chose pour nous. David disait à Israël, Jérusalem, ne sois pas dans la détresse. De bonnes choses, de bonnes paroles ont été dites sur maneno toi. Nous croyons à ce Dieu qui a prévu une destinée pour son peuple. Nous sommes en train de parler de ce sujet sur l'avenir du monde. Selon la prophétie de Saintes Écritures, Dieu, il a un programme. Mungu ana mpango. Et je vais encore dire nitasema tena que Dieu n'est pas débordé par les événements qui se passent sur la terre. Ya kwamba Mungu yeye haishiwe na matukio yanayopitikana duniani. Dieu n'est pas surpris par ce qui se passe sur la terre. Mungu hashangae na inayopitikana duniani. Il est pleinement au contrôle. Maana anaongoza kila kitu. La difficulté na ugumu, c'est les lunettes avec lesquelles nous sommes en train d'analyser tout ce qui se passe dans le monde. Alors que j'étais en train de lire l'histoire de l'église primitive, j'étais étonné de voir qu'à un moment de l'histoire de l'église, il y a eu des chrétiens qui allaient vers leurs persécuteurs afin d'être tués. Et ils savaient que quand on les tuait, ça avait deux impacts. La première chose, c'était une façon d'évangéliser aux autres. Et de révéler au monde que nous sommes prêts à mourir pour ces dieux. Parce que nous sommes dans la bonne foi. La deuxième chose, ils savaient que c'était un chemin direct vers le ciel. Et je me dis, est-ce que je suis vraiment croyant comme ces gens du premier siècle? Et donc, tout dépend des lunettes que nous avons. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'est plus Dieu parce qu'il y a un certain virus qui dérange le monde. Dieu, il est au contrôle. Si tu crois à cela là où tu es, tu acclames le Seigneur. Il est au contrôle. Ce n'est pas un problème de sentiment. Ce n'est pas un problème de... Dieu n'est pas mesuré. Ou alors, sa grandeur n'est pas mesurée ama ukubwa wake au par rapport au plaisir des hommes kufuatana na nasa za wanadamu par rapport à l'appréciation des hommes kufuatana na kufurahiwa kwa wanadamu quand les hommes ne sont pas d'accord wakati wanadamu hawakubali Dieu il reste lui-même Mungu anabaki yule yule il est égal à lui-même yeye anakuwa anajenee mwenyewe les hommes sont dans la joie wakati watu wanafurahi quand les hommes sont tristes wakati watu wanahuzunika Dieu il est sur son trône Mungu anakuwa kwenye kiti chake cha enzi très malheureux Na sisi ni wenye ole sana. Quand nous pensons que la grandeur de Dieu Tunapofikiri ya kwamba ukubwa wa Mungu ou la véracité même de Dieu ama uwezo wa Mungu dépend de ce que nous avons ukweli wake unalingana na ile tunayo ama na ile ambayo hatuna Dieu il est Dieu Mungu ni Mungu quand nous sommes riches wakati sisi ni matajiri quand nous sommes pauvres hata wakati sisi ni maskini Yeye ni Mungu quand nous sommes forts tunapokuwa wenye nguvu quand nous sommes malades ama wakati sisi ni wagonjwa il est Dieu Yeye ni Mungu quand nous pleurons wakati tunalia il est Dieu Yeye ni Mungu quand nous rions wakati tunacheka na ndio maana la Bible Biblia nous présente l'histoire sorte d'homme. Inatuonyesha historia ya kila aina mtu. Job nous dit je bénirai le Seigneur. Anasema nitambariki Bwana. Lui qui m'a tout donné. Ambaye amenipa yote. Quand il m'a tout ravi. Wakati ameninyanganya yote. Je vais bénir le nom de Dieu. Nitambariki jina la Bwana. Il ne cesse pas d'être Dieu. Hakose kuwa Mungu. Parce que nous sommes confinés. Sababu sisi tunakuwa kando. Il est Dieu quand nous sommes libres. Yeye ni Mungu tunapokuwa huru. Il est Dieu quand nous sommes limités. Yeye ni Mungu wakati tunazuizwa. C'est ça la foi biblique. Hii ndio imani ya Biblia. Alors nous sommes en train de dire. Sasa tuko tunasema. Que Dieu il a prévu quelque chose pour la kwamba Mungu ametayarisha kitu kwa ajili ya dunia. Il y a un programme de Dieu. Kuna mpango wa Mungu. Et il arrive même. Na inafika. Que quand Dieu exerce ou accomplit ou réalise son plan. Mungu anapotimiza mpango wake. Même la prière ne peut rien changer. Hata maombi hayawezi kubadilisha kitu. Je vois l'homme de Jésus-Christ. Namuona Yesu Kristo. Alors qu'il approchait le temps de sa mort. Wakati alikaribia wakati wa kufa kwake. Mon Seigneur Jésus. Bwana wangu Yesu. Va parler. Atasema avec tristesse. Akiona huzuni. Il dit le fils de l'homme. Anasema mwana wa mtu. Ça va. Anaenda. Selon ce qui est écrit de lui. Fuatana na ile ambayo inaandikwa juu yake. Il dit mais malheur à celui qui le livre. Lakini ole kwa yule atakayemtoa. Et l'homme de Pierre na Petro, qui avait une grande foi ambaye alikuwa na imani qui kubwa, avait vu Jésus opérer ambaye aliona Yesu akitenda, il va dire à Jésus atamwambia Yesu mon Seigneur Bwana wangu je crois à ta puissance naamini uwezo wako je crois que Pierre naamini Petro était en train de voir l'expérience de Jésus alikuwa anaona maisha ya Yesu cet homme qui a marché sur les eaux mtu aliyetembea juu ya maji cet homme qui a multiplié le pain mtu aliyezidisha mikati je crois que Jésus et Pierre Nikiwaza. C'est Jésus qui a tabassé le gens dans le temple. Anaweza kukumbuka Yesu aliwapiga watu ndani ya hekalu. Au-delà de tout. Na zaidi ya yote. L'apôtre Pierre. Mtume Petro. Voit Jésus avec toute sa popularité. Anamona Yesu na kufuma kwake kote. Avec le foule qui l'accompagne. Akiona umati wa watu na msindikiza. Il dit à Jésus. Anamwambia Yesu. Tu ne peux pas mourir. Hauwezi kufa. Qui va te tuer? Nani atakayekuua? Il refuse. Anakataa. La mort. Kifo. De Jésus. Cha Yesu. Mais rappelez-vous. Lakini kumbukeni. Les saintes écritures disent. Maandiko matakatifu yanasema. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Ya kwamba yote yaliyopitikana ndani ya maisha ya Yesu ilikuwa inapitikana. Selon ce qui était écrit sur lui. Kufuatana na ile iliyoandikwa juu yake. Il y avait une écriture. Kulikuwa maandiko. Qui devait s'accomplir. Ambayo yangepaswa kutimilika. De la vie de Jésus. Ndani ya kila hatua ya maisha ya Yesu. C'est ce que je dis. Na ni hiyo ndiyo ninayosema. Yesu kasema. Il faut que cela arrive. Ya paswa hiyo ifike. Il y a des choses qui doivent arriver. Kuna mambo ambayo sheti yafike. Dans le programme de Dieu. Ndani ya mpango wa Mungu. La question importante. Na swali la muhimu. C'est que l'église puisse se situer. Ni kwamba kanisa ikuwe nafasi. Et dire quelle est notre part de responsabilité. Na ianze kujiuliza sehemu ya jukumu yetu ni gani. C'est pourquoi nous avons parlé le premier jour de vérité fondamentale. Ndio maana siku ya kwanza tuliwa msingi. Et hier nous avons commencé à parler des événements. Na jana tulianza kuzungumzia matukio. Qui doivent arriver. Ambao shetani ne peut pas les déplacer. Kanisa haiwezi kuiondoa. Nous ne pouvons pas entrer à prière pour dire Seigneur, il ne faut pas que le développement du monde s'arrête. Ayombe tuingie ndani ya maombi tunaanza kumwambia Mungu inaomba kuendelea kwa dunia kusimame. Nous ne pouvons pas dire à Dieu. Hatuwezi kumwambia Mungu. Il ne faut pas que l'enlèvement arrive. Ayombe kunyakuliwa kwa kanisa kufike. L'enlèvement arrivera. Kunyakuliwa kwa kanisa itafika. Pour ceux qui sont célibataires, si ça t'atteint encore que tu es célibataire, tu montes avec ta requête. Kwa wale ambao wakamena kukuta vile unapanda. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Si l'enlèvement arrive. Kama kunyakuliwa na trompette sort. Baragumu inapiga sauti. Alors que tu as déjà ton visa pour le pays que tu crois être meilleur. Unapokuwa umeshakuwa na visa kwa ile nchi ambayo unaona kama bora. Tu montes vers le Seigneur. Unaacha visa unapanda kwa Mungu. Si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Kama unakubaliana na visa ya Bwana. Parce que l'enlèvement est plus que tout. Maana kunyakuliwa na shida yote. C'est plus que le mariage. Inashinda ndoa. C'est plus que le voyage. Inashinda safari. C'est plus que tout ce que nous pouvons avoir. Inashinda yote tunayoweza kuwa nayo. Mais le problème, lakini shida, c'est qui nous a prêché? Nani aliyetuhubiri? Parce qu'il y a ceux qui prêchent. Sababu kuna wanaohubiri. De manière à nous attacher sur la terre. Ili wafanye kwamba tubakie duniani. Jésus attend encore. Na tunaweza kusema Yesu subiri kwanza kidogo. Mais l'église primitive. Lakini kanisa la kwanza. Les hommes étaient disponibles. Watu walikuwa. Pour arrêter. Kwa ajili ya kusimamisha. Leur vie. Maisha yao. Et entrer. Na kuingia dans la gloire de Dieu. Ndani ya utukufu wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en train de parler. Tuko tunasema. Ou de répondre à cette grande question. Ama tunajibu kwa swali hili kubwa. Qu'est-ce qui attend le monde? Nini inayongoja dunia? Voilà la grande question. Tazama swali kubwa. Quelle est la destinée du monde? Ujao wa dunia ni gani? Quel est l'avenir du monde? Ujao wa dunia ni gani? Et nous allons, je vais dire, il y a quatre choses qui attendent le monde. Nitasema kuna mambo mane yanayongoja dunia. La première chose, jambo la kwanza, c'est l'autodestruction. Inakuwa kuharibika yenyewe. Le monde va se détruire davantage lui-même. Dunia yenyewe itajiharibu. Les hommes vont se détruire eux-mêmes. Wanadamu wao wenyewe watajiharibu. La deuxième chose, jambo la pili, c'est la confusion. Ni mchanganyiko. Qui conduit à une chute certaine. Ambao inakuwa ikiongoza kwa manguko ya hakika. Certainement le monde va connaître une chute. Hakika dunia itaanguka. La troisième chose. Jambo la tatu. C'est le jugement de Dieu. Inakuwa ni hukumu ya Mungu. La quatrième chose. Jambo la ine. C'est la fin de toute chose. Inakuwa ni mwisho wa kila kitu. Ces quatre choses. Mambo haya mane. Sont des évidences. Inakuwa ni ukweli. Qui vont arriver. Ambao yatafika. Au monde. Kwa dunia. Et il faut que nous puissions le comprendre. Na inaomba tuielewe. Il faut que nous puissions le réaliser. Na inaomba tuione. Que le monde ya kwamba dunia va arriver itafika à se détruire kujiharibu. De deux, le monde ya pili va arriver à la chute. Dunia itaanguka. Troisièmement, le monde ya tatu dunia va connaître les jugements de Dieu. Ishi hukumu ya Mungu. Et finalement le monde va s'arrêter. Na kwa mwisho dunia itasimama. Ça ce sont des évidences. Hii ni ukweli. Qui sont dans l'évolution de la vie du monde. Ambao iko ndani ya maendeleo ya maisha ya dunia. Parlons un peu de la réalité de l'autodestruction. Tuzungumzie kwanza ukweli wa kujaribu yenyewe. Dans le livre de Romains chapitre 6. Ndani ya kitabu cha Warumi sura 6. Le verset 23. Mstari wake wa 23. La Bible dit. Biblia inasema. Car le salaire du péché. Maana mshahara wa dhambi. C'est la mort. Ni mauti. Mais le don gratuit de Dieu. Lakini zawadi iliyo bure ya Mungu. C'est la vie éternel en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni uzima wa milele ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Le péché produit la mort. Zambi inaleta mauti. Que ça soit à New York. Iwe New York. Que ça soit à Pékin. Iwe Pékin. Que ça soit en Afrique. Iwe Afrika. Que ça soit dans le pays pauvre. Iwe ndani ya nchi maskini. Le péché produit la mort. Zambi inazaa mauti. Tant que le monde vit dans le péché. Wakati ulimwengu inaishi ndani ya dhambi. On ne peut pas attendre autre chose. Hauwezi kungojea kitu kingine. Ce qui est certain. Iliyo hakika. C'est la destruction. Ni kuharibika. Et la première destruction. Na kuharibika kwa kwanza. C'est une autodestruction. Ni kujiharibu mwenyewe. Vous savez l'homme est habitué. Unajua mwanadamu anazoea. À attribuer ses malheurs à quelqu'un d'autre. Kusema ya kwamba ni mwingine ndiye analeta mateso yake. Que le monde arrivera à la fin. Wanaposema kwamba dunia itafikia mwisho wake. Quand on dit que le monde va être détruit. Wanaposema kwamba dunia itaharibiwa. Il faut se dire. Inaomba kusema. Que le responsable de cette destruction. Ya kwamba anayeleta. Ce n'est pas Dieu qu'on considère comme le méchant. Sio Mungu watu ambao wanawazia kama vile Mungu. Mais dans la logique de l'homme. Lakini ndani ya mawazo mwanadamu. Dans le plaisir de l'homme. Ndani ya furaha ya mwanadamu. Dans ce qui attire le cœur de l'homme. Ndani ya ile ambayo inavutia moyo wa mwanadamu. Il y a sa mort. Kuna kifo chake. L'homme a choisi le péché. Quand l'homme choisit le péché, zambi, le principe biblique est clair. Kanuni ya Biblia ni c'est wazi. Que le salaire du péché, ni kwamba mshahara wa zambi, c'est la mort. Ni mauti. La finalité du péché, mwisho wa zambi, c'est la mort. Ni mauti. Les nations mataifa sont en train de valoriser le péché. Wako wanapatia samani zambi. Les familles jamaa sont en train de promouvoir le péché. Wako wanainua zambi. Les entreprises makampuni sont en train de plébisciter le péché. Ziko zinatangaza zambi. On ne peut pas plébisciter le péché et s'attendre à la vie. Hawezi kutangaza kuinuliwa le kwa zambi na kisha ukoje uzima. C'est la mort. Mshahara wa zambi ni mauti. Bien-aimé dans le Seigneur. Upendwa ndani ya Bwana. Où que nous soyons. Mahali pote tulipo. Nous sommes témoins. Sisi ni mashahidi de l'évolution du péché dans le monde. Ya kuendelea kwa zambi duniani. Et comprenons na tuelewe que la fin du monde, ya kwamba mwisho wa dunia, ça sera la mort. Itakuwa ni kifo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? Quand l'homme choisit le péché. Wakati mwanadamu anachagua zambi. Quand les nations s'attachent au mal. Wakati mataifa yanambatana na mabaya. Yeah, la première chose c'est la philosophie même du monde. Jambo la kwanza inakuwa ni mafikara kwanza ya dunia. Le monde est en train de s'auto-détruire. Ulimwengu inajaribu yenyewe. Par sa propre sagesse. Kupitia hekima yake la Bible yenyewe. Nous a dit Biblia katuambia que les Grecs cherchent la connaissance. Ya kwamba Wayunani wanatafuta ujuzi. Et ils sont devenus fous dans leur connaissance. Na wamegeuka wapumbafu ndani ya elimu yao. Aujourd'hui le monde tourne autour du rationalisme. Leo ulimwengu nzima inafikiri sana. Autour de la connaissance. Wanatafuta wote elimu. Autour de la philosophie. Wote wanakuwa na mafikara. A tel point que un philosophe a dit na fikra moja kasema si j'existe kama mimi niko alors Dieu n'existe pas. Mungu haiko. Quand un homme déclare cela, wakati mwanadamu anasema hiyo, il déclare sa mort, anakuwa kitangaza kifo chake, il s'auto-détruit, anajiharibu mwenyewe, il s'exclut même de la vie éternelle, anajiondoa hata ndani ya uzima milele, parce qu'il se proclame Dieu lui-même, sababu anajitangaza Mungu yeye mwenyewe. Ça c'est le rationalisme, c'est la philosophie. Hii ni mafikra za wanadamu. La deuxième chose c'est le brisement de la loi de Dieu. Jambo la pili ni kuvunja sheria ya Mungu. Il y a des lois, kuna sheria, même des lois naturelles, hata sheria za asili, qui assurent la vie. Ambazo zinahakikisha uzima. Quand l'homme ne respecte pas ces principes, wakati mwanadamu haheshimu tena kanuni hizo, il mourra. Atakufa. Le salaire du péché c'est la mort. Mshahara wa dhambi ni mauti. Et aujourd'hui nous voyons na leo tunaona la promotion du péché. Kuendelea kwa zambi. Et vous pensez que la vie va arriver. Na mnafikiria kwamba maisha yatafika. Aujourd'hui il y a des hommes et des femmes. Leo kuna wanaume na wanawake. Qui sont derrière le sport. Ambao wako nyuma derrière le régime alimentaire. Wako nyuma ya mazoezi, nyuma ya chakula kupima vizuri. Ni mambo mazuri. Avoir un régime alimentaire. Na Biblia inatushauri tukule vizuri. Israel respectait un régime alimentaire. Na Israeli ilikuwa na chakula ambao ilikuwa natumia. L'apôtre Paul nous a courage dans le sport. Mtume Paulo anatuambia tuyafanye mazoezi. Mais jamais ces principes na kanuni hizi ne peuvent donner la vie. Haziwezi kuleta uzima. Pour vivre longtemps. Ili uishi siku nyingi. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Honore ton père et ta mère. Heshimu baba na mama yako. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Tu honoreras le cheveu blanc. Utaheshimu nywele nyeupe za wazee. Brise ces principes. Na wakati mtu anaharibu kanuni hii, atakutana na kifo. J'étais très perdu. Nilipotea. Depuis que je suis les informations sur ce qui se passe. Tangu ninaposikiliza habari juu ya ile inayopitikana. Quand on parlait des maisons de vieillards. Walipokuwa wakizungumzia juu ya nyumba ya wazee za wazee. Perturbé dans mon moral. Nilikuwa kabisa nasikitika ndani ya mafikiri yangu. Waliponionyesha mtu mkubwa. Qui était en train de perdre son père. Ambaye alikuwa akipoteza baba yake. Mais le père était dans c'est pas dans la maison de vieillard. Lakini baba yake alikuwa ndani ya nyumba ya wazee. À d'autres termes. Kwa maneno mengine. À un moment donné. Kwa wakati fulani. À cause du développement. Sababu ya maendeleo. On trouve que les vieillards ne sont plus importants. Unaona kwamba wazee hawana tena maana. Même quand on a le moyen de les avoir avec nous. Hata wakati unakuwa na uwezo wa kuwa pamoja de nao. Unapenda waondoe ndani ya maisha yako. Les statistiques montrent. Na hisabu zaonyesha. Ou alors les recherches. Ama utafiti. Les enquêtes. Montre qu'il y a même des vieillards qui ne veulent pas aller dans ces maisons-là. Zinaonyesha ya kwamba kuna hata wazee ambao hawataki kuingia ndani ya nyumba hizo. Parce que c'est comme une prison. Sababu inakuwa kama ni gereza. Lakini nini nafika? L'homme brise ce qui fait sa force. Mtu anavunja ile inayofanya nguvu zake. Hallelujah. Amen. Il y a la réalité de la satisfaction. Kuna kuwa hii ukweli ya kutotosheka. À cause de les satisfactions. Sababu ya kutotosheka. L'homme est en train de pousser ses recherches. Mwanadamu iko na peleka utafiti wake. L'homme est en train de chercher même ce qui va le tuer. Mwanadamu iko na tafuta hata ile itakayomuua. La Bible dit que le cœur de l'homme c'est un grand vide. Biblia nasema ya kwamba roho ya mwanadamu inakuwa wazi. Tout ce que l'homme peut chercher. Na yoyote ambayo mwanadamu anaweza kutafuta. Ne peut pas compléter ce vide si ce n'est que Dieu. Haiwezi kujaza hiyo shimo kama sio Mungu. Et on peut voir la méchanceté de l'homme. Na unaweza kuona uovu wa mwanadamu. Il y a même ceux qui ont tué ceux qui les ont élevés. Kuna wale ambao waliua hata wale waliowakomalisha. Il y a ceux qui sont jaloux des hommes qui font leur force, des enfants ou des femmes qui font leur force. Kuna wale ambao wanawasikilia wivu wanaume wanawake watoto wanaofanya nguvu zao. Nini inapitikana? L'homme agit pour sa propre destruction. Mtu anatenda kwa ajili ya kujaribu yeye mwenyewe. C'est malheureux. Na ni ole sana. La deuxième chose, le monde est dans la confusion. Jambo la pili, dunia iko ndani ya mchanganyiko. Et le monde va évoluer dans la confusion. Na dunia itaendelea ndani ya mchanganyiko. Je vais décourager quelqu'un. Nitamvunja moyo mtu. Il y a ceux qui pensent. Kuna wale wanaofikiri. Que le monde va évoluer. Ya kwamba dunia itaendelea. Il y a ceux qui attendent. Kuna wale wanaosubiri. Que le monde soit meilleur. Kwamba dunia iwe bora zaidi. Ça ne sera jamais meilleur. Haitakuwa bora. Même si le monde trouve la solution. Hata kama dunia inapata suluhisho. Pour le COVID-19. Kwa ajili ya COVID-19. Il y aura un autre malheur. Kutakuwa tena ingine ole itakayokuja. Même si les hommes trouvent le médicament. Hata kama watu wanapata pour le sida. Kwa ajili ya ukimwi. Pour le cancer. Kwa ajili ya cancer. Il y aura toujours des problèmes. Kutakuwa tu shida. C'est cela la destinée du monde. Hiyo ndio hatima dunia. Le monde ne va pas s'améliorer. Dunia haitaboreshwa. Le monde va aller vers sa chute. Dunia inaendea kuanguka. Je sais que ce message ne peut pas plaire plusieurs. Najua ujumbe huu hauwezi kuwafurahisha wengi. Moi-même je ne suis pas fier de le dire. Hata mimi mwenyewe si furahi kuisema. Mais c'est cela la vérité. Lakini hiyo ndio ukweli. Le monde ne va pas s'améliorer. Dunia haitaboreshwa. Ésaïe chapitre 24 le verset 20. Isaya 24 mstari wa 20. Biblia inasema hivi. La terre chancelle. Dunia inakuwa kiumba yumba. Comme un homme ivre. Kama vile mwanaume mtu ambaye analewa. Elle vacille comme une cabane. Na inakuwa na yumba yumba kama vile. Son péché pèse sur lui. Na zambi zake zinakuwa nzito juu yake. Elle va tomber. Na itaanguka. Et ne se relèvera pas. Na haitasimama tena. Elle va tomber. Itaanguka. La terre est ivre. Dunia inalewa. Et l'homme de l'Apocalypse, Jean. Na mtu wa ufunuo Yohana. Il voit la bête. Anaona mnyama. La grande femme. Anaona mwanamke mkubwa. Babylone la grande. Babyloni mkubwa. Avec une coupe de sang. Akiwa na kikombe cha damu. En train de faire boire les rois de la terre. Akiwanywesha wafalme wa dunia. Et la Bible dit tout le roi de la terre. Na Biblia inasema wafalme wote wa dunia. Et ivre par l'ivresse que leur communiquait la grande Babylone. Walilewa kupitia ile ulevi ambaye Babyloni mkubwa aliwatangazia zambi ya dunia. Le plonge dans la livronnerie. Zamisha ndani ya ulevi. Le plonge dans la confusion. Inamzamisha ndani ya mchanganyiko. Le plonge dans une inconscience totale. Inamzamisha ndani ya kukosewa na zamiri. Au point que nous ne pouvons pas attendre l'amélioration de la terre. Na hata tuwezi kungojea kuboreshwa kwa dunia. L'église n'est pas sur la terre. Kanisa iko duniani. Pour que la terre soit meilleure. Ili dunia iwe bora. L'église est sur la terre. Kanisa iko duniani. Arracher les hommes ili iwaondoe watu de ces malheurs qui attend la terre kutoka ile ole na yongoja dunia pour arracher le monde kwa ajili ya kuondoa dunia de la chute de grande Babylone kutoka kuanguka kwa Babylone. La Bible déclare, Biblia inasema, elle est tombée, alianguka Babylone la grande, Babylone mkubwa, parce que elle est ivre, sababu analewa, du sang des martyrs, na damu ya washujaa. Nous prions. Tunaomba. Pas parce que nous voulons que le monde ait la paix. Hapana sababu tunahitaji dunia iwe na amani. Pour que la mission soit accomplie. Lakini ili kazi ya Mungu ifanyike. La folie des nations. Upumbafu wa mataifa. Se révèle par des exagérations. Inaonekana kupitia kuvukisha vipimo. De la recherche même de la liberté. Ya kutafuta hata uhuru. Aujourd'hui il y a des lois. Leo kuna sheria qui autorise l'homme à faire un mariage avec la bête. Zinazoruhusu mwanadamu afanye ndoa pamoja na mnyama. Que pouvons-nous attendre des conséquences de cela? Naweza ngoja nini kutokea matokeo hayo? Quand l'homme choisit d'être au même pied d'égalité qu'une bête, wakati mtu anachagua awe sawa na nyama, il va même jusqu'à être inférieur à la bête. Anaenda hata anakuwa sasa chini hata ya nyama. Alors que Dieu a dit, ijapo Mungu, je te donne de dominer. Ninakupatia utawale. Multiplie. Assujettit la terre. Mais voilà l'homme qui est en train d'aller vers la terre. Il y a même des hommes qui sont en train d'aller vers la végétation. Il y a des hommes qui commettent l'abomination avec des arbres. Kuna watu wanaofanya machukizo pamoja na miti. Je participais à la délivrance d'un homme nili kwa qui pouvait kwa mtu. Faire des rapports sexuels avec un arbre qui était dans sa parcelle. Ambange paswa kufanya ngono pamoja na mtu uliokuwa ndani ya shamba lake. Si vous coupez cet arbre, il peut entrer même dans une crise. Upumbafu gani ukikata ile voilà l'état de l'homme. Inaweza kuteseka. Ona sasa hali ya madamu. Et cela ne peut pas apporter autre chose. Na hii haiwezi kuleta mambo mengine. Si ce n'est pas la mort. Kama haiko kifo. Le monde n'attend pas autre chose. Dunia ingoje kitu kingine. Le monde n'attend pas une amélioration. Dunia ingoje kuboreshwa. Prions. Tuombe. Construisons des églises. Tujenge makanisa. Prêchons l'évangile. Tuhubiri injili. Mais le but principal, lakini lengo la c'est d'arracher les âmes ni kuleta et les amener à Dieu. Na kuwaleta kwa Je Mungu. Veux dire aux scientifiques, nitawaambia wanasayansi, cherchez des solutions au problème de l'homme. Tafuteni majibu suluhisho kwa shida ya mwanadamu. Cherchez des solutions scientifiques. Tafuteni suluhisho mais za sachez kielimu, lakini que le monde va aller de mal à pire. Ya kwamba dunia itendea mabaya le monde ne s'améliorera pas, ce n'est pas sa destinée. Dunia haitakuwa bora le zaidi. Monde est destiné à finir. Dunia itakwisha. Le monde est destiné à s'arrêter. Dunia itafikia mwisho wake. Le monde est destiné à connaître une fin. Dunia itakuwa na mwisho wake. Mais ceux qui auront reçu le Seigneur Jésus-Christ verront un nouveau système s'établir. Wataona ils régneront avec le Seigneur na watatawala pamoja na Bwana éternellement. Milele na milele. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les lois, les hommes ont choisi même la loi Leo watu wanachagua pour sheria. Mettre fin à leur propre vie. Kwa ajili ya kumaliza maisha yao wenyewe. Qu'est-ce que vous voulez? Munapenda nini? L'homme lui-même dans le désir de la liberté. Mwanadamu yeye mwenyewe ndani ya kutafuta uhuru. Il dit, je vais choisir même le jour de ma mort. Anasema nitachagua hata siku ya kufa kwangu. Je suivais un film. Nilifuata filamu moja. Papa un film une émission. Hapana filamu lakini ilikuwa kipindi. On interrogeait une maman. Ambao walikuwa wakimuuliza mama mzee. Qui avait dans les 76 ans. Ambali kwa na miaka 76. Elle dit je ne veux pas vieillir. Na nasema sitaki nizeheke. Au point que quelqu'un me tienne la main. Na hata mtu ananishika mkono. Et qu'on m'amène dans la maison de vieillard. Na wananipeleka ndani ya nyumba wazee. Je refuse cela. Nakataa hiyo. C'est pourquoi j'ai choisi le jour de la mort. Na ndio maana nimechagua siku ya kifo. Et avant ce jour on va fêter avec ma famille. Na mbele ya siku hiyo tutafanya karamu pamoja na jamaa langu. Na kisha nitajiua mwenyewe. Je vais mettre fin à mes jours. Nitamaliza siku zangu. Avant que je ne sois bizarre. Mbele sijakuwa mtu. Avant que le mauvais jour n'arrive. Mbele siku mbaya ijafika. Je ne veux pas voir ces choses. Sitaki nione mambo hayo. Ce droit n'a pas été donné à l'homme. C'est Dieu qui est le maître de la vie. Mais dans la recherche de la liberté, l'homme choisit même ces choses. L'homme peut dire j'ai droit à la nudité. J'ai droit maintenant à la mort. Et je ne sais pas ce que l'homme va encore demander. Le monde est ivre. Le monde est ivre. Il y a eu un temps l'homme voulait couvrir tout son corps. Et c'était ce qui était bon. Et finalement l'homme veut être nu. Il y a un moment où l'homme veut être habillé de manière à avoir de l'espace, de l'air. De la liberté. Kuna wakati ambao mwanadamu alikuwa anahitaji avae nguo ambazo zinampatia uhuru. Il a encore besoin des habits qui le collent. Lakini sasa kwa mwisho mwanadamu anahitaji mavazi ambayo yanamnasa. Mwanadamu sa liberté il se détruit. Sababu anajaribu yeye mwenyewe. Que des hommes et des femmes. Wanaume ngapi na wanawake. Qui connaissent les lois de la vie. Ambao wanajua sheria za maisha. Lakini ambao wanazikanyaga. Des docteurs qui connaissent les conséquences de l'alcool ou je sais pas du tabac mais qui meurent. Madaktari ambao wanajua matokeo mbaya ya kulewa na ya tumbako lakini wanakufa sababu ya hiyo. Parce que l'homme ne peut pas se sauver. Sababu mwanadamu hawezi kujiokoa kupitia elimu yake. La troisième chose qui attend le monde. Jambo la tatu linalongoja dunia. C'est le jugement de Dieu. Ni hukumu ya Mungu. Le monde est sous le jugement de Dieu. Dunia iko chini ya hukumu ya Mungu. Le monde est soumis au jugement de Dieu. Dunia iko chini ya hukumu ya Mungu. Et nous parlons de ce jugement à trois niveaux. Na tunazungumzia hukumu hii kwa dans Matthieu chapitre 24. Ndani ya Mathayo sura 24. Si vous commencez au premier verset. Jésus présente les choses qui vont arriver sur la terre. Il dit, vous attendrez des guerres et des bruits de guerre. Vous attendrez parler des tremblements de terre. Il y aura des choses terribles. Au verset 6, il dit, mais quand toutes ces choses arriveront, sachez que ça ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. À d'autres termes, il y a des malheurs, il y a des souffrances qui vont arriver comme des jugements pendant que l'Église est sur la terre. Ça, ce sont des jugements pendant notre temps. Il y a des choses qui vont arriver sur la terre, des épidémies, majanga za magonjwa, vita, de crise, ukosefu, pendant que l'église est là, wakati kanisa pendant ingali, que le Saint-Esprit est wakati là, wakati pendant que la gloire de Dieu wakati est là, utukufu wa Mungu ungali, ce sont des jugements inakuwa ni hukumu avant mbele l'enlèvement. Ya kunyakuliwa. Quand l'église sera enlevée maintenant, wakati kanisa itakaponyakuliwa sasa, il y a des jugements qui vont commencer. Kuna hukumu zitakazoanza. C'est le moment où l'antéchrist va régner sur la terre. Ni wakati ambapo mpinga Kristo atatawala. La Bible dit l'antéchrist va régner pendant 7 ans sur la terre. Na Biblia nasema kwamba mpinga Kristo atatawala muda wa miaka 7 duniani. Pendant les 7 ans, il y a deux périodes. Na ndani ya miaka 7 kuna vipindi viwili. La première période, c'est la période qu'on appelle la période de la paix. Kipindi cha kwanza ni kipindi wanachokiita kipindi cha amani. L'antéchrist va se lever. Pinga Kristo atainuka. Comme un chef pacifique. Kama vile mkubwa anayeleta amani. Il va briser les frontières. Atavunja mipaka. Il va faire cesser les guerres. Ataacha kwamba vita vyote vinakoma. Il va arrêter les rébellions. Atasimamisha uasi wote. Il va réconcilier les nations à conflit. Mataifa ambayo yanakuwa. Il va enlever, je sais pas moi, les barrières de visa. Ataondoa hii mipaka yote ya visa. Et la Bible dit na Biblia que le monde dira paix et sûreté. Ya kwamba ulimwengu tasema salama na uhakika. Ça c'est pendant le 3 ans et demi du début. Ni ndani ya miaka 3 na nusu ya kwanza. C'est là même que maintenant l'antichrist. Na hapo sasa ndipo mpinga Kristo. Aura le désir d'aller se faire Dieu. Atakuwa na haja kujifanya Mungu. Il va initié d'aller dans le temple. Ataanza kuingia ndani ya hekalu. Il va aller vers le sacerdoce. Ataendea ukuhani. Il va quitter le manteau politique. Atatoka ndani ya hiyo ngozi ya. Il va quitter le manteau du gouvernement. Atatoka ndani ya ile koti. Pour aller vers le sacerdoce. Ili aendee ukuhani. Et il va accomplir de miracles. Na atafanya miujiza. Il y aura un autre qui va s'élever. Kutakuwa mwingine atakayeinuka. Celui qu'on appelle le prophète. Ambaye wanamuita nabii. Ça sera un homme religieux. Itakuwa ni mtu wa dini. Qui va commencer à présenter l'antichrist. Ambaye ataanza kumleta kumtambulisha. Ça sera le prédicateur. Itakuwa ni mhubiri. Qui va élever l'antichrist. Ambaye atamuinua mpinga Kristo. Pour que les hommes l'adorent. Ili kwamba wanadamu wamwabudu. Et quand il va faire ça. Na wakati atafanya hivyo. Le fils d'Abraham. Mwana wa Abrahamu. Israël des sang. Israeli wa damu. Va se lever. Atasimama. Il dit, nous avons rejeté Jésus. Anasema tulimkataa Yesu. Parce que Israël, qui a un seul Dieu qui est digne d'être adoré. Anatambua ya kwamba kuna Mungu mmoja anayestahili kuabudiwa. Israël refusera d'adorer l'antéchrist. Israël atakataa kuabudu mpinga Kristo. C'est alors que commencera la grande tribulation. Hapo ndipo kutaanza sasa mateso makubwa. On va perdre refuse d'adorer. Watatesa yoyote ambaye atakataa kuabudu. C'est là qu'interviendra la marque de 666. Na hapo ndipo chapa la hesabu ya 666. Fille de l'antichrist, on n'aura pas accès à la vie. Tout sera déjà systématisé. À tel point que tu ne peux pas opérer dans le monde sans être dans le système. Et là, Dieu va libérer les jugements. Quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 8, le premier verset, la Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Il y a un silence dans le ciel. Pakawa na kimya mbinguni. D'une demi-heure à environ une demi-heure. Ya karibuni unusu wa saa. Je me pose la question. Na ninajiuliza pourquoi le silence a été dans kimya ilikuwa mbinguni? Pourquoi il y a eu le calme dans le ciel? Sababu gani palikuwa na kimya mbinguni? C'est parce que le Seigneur Jésus. Ni sababu Bwana Yesu. Il était sur le trône. Alikuwa kwenye kiti. Je veux dire il était sur l'autel. Alikuwa kwenye mazabahu. C'était l'autel de parfum. Ilikuwa ni mazabahu ya marazi. Il est comme un sacrificateur. Alikuwa kama kuhani. En train de lever le parfum devant Dieu. Akiinua marazi mbele ya Mungu. En train de lever le prière de saint. Akiinua maombi ya watakatifu. Et tout à coup. Na kwa ghafla. L'autel de prière. Mazabahu ya maombi. L'autel d'adoration. Mazabahu ya maabudu. Est changé. Inabadilika. La Bible dit je vis un ange. Biblia nasema nikaona malaika. Qui prenait le braise de l'autel. Ambaye alichukua makaa ya. Et qui le jetait sur la terre. Ambaye aliyatupa duniani. Quand l'ange. Wakati malaika. Qui offre le parfum. Ambaye anatoa marasi. Prend maintenant le feu de l'autel. Pour le jeter sur la terre. Kuitupa duniani. Il est en train d'entrer dans la phase du jugement Iko de la terre. Ndani ya hatua ya hukumu ya dunia. Ce sont les fléaux. Hapa sasa ni mapigo. C'est là que nous disons qu'il y a plusieurs temps de jugement. Na ndio hapo tunasema kwamba kuna wakati mwingi ya hukumu. Parce que au chapitre 5. Sababu kwa sura 5 ya kitabu cha Ufunuo. La Bible dit. Biblia nasema. Qu'il y avait un livre. Ya kwamba palikuwa na kitabu. Et Jean a pleuré. Na Yohana kalia. Il dit mais qui est digne d'ouvrir le livre? Anakufungua kitabu. Pourquoi Jean veut que le livre soit ouvert? Sababu gani Yohana anahitaji kitabu kifunuliwe? C'est parce qu'il y a eu la persécution des saints. Ni sababu kulikuwa mateso ya watakatifu. Il y a eu la souffrance des saints. Kulikuwa mateso ya watakatifu. Et l'apôtre Paul veut que Dieu, l'apôtre Jean veut que Dieu juge les gens qui persécutent son église. Na mtume Yohana anahitaji Mungu aende akahukumu watu wanaotesa kanisa lake. Bien-aimé, je suis en train de dire. Upendwa niko nasema. À tout et chacun de nous. Kwa kila mmoja wetu. Soyons sérieux. Tuwe le jugement c'est une réalité. Sababu hukumu ni kweli. La Bible dit que l'impie continue à être impie. Biblia inasema ya kwamba mwovu atendelea kuwa. Que celui qui pêche continue à être à pécher. Mwovu aendelee kuwa mwovu anayefanya dhambi aendelee kufanya dhambi. Jouir de sa jeunesse. Ambaye ni kijana furie ujana wake. Mais que nous puissions savoir. Lakini tujue. Qu'à la fin de toutes ces choses. Ya kwamba kwa mwisho wa mambo yote. Dieu appellera l'homme au jugement. Mungu atamwita kila mtu kwa hukumu. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi. Jean a vu l'agneau. Yohana aliona mwana kondoo. Qui était comme immolé. Ambaye alikuwa kama aliyechinjwa. Et qui s'est approché. Ambaye alikaribia. Du livre. Akakaribia kitabu. Et quand l'agneau a pris le livre. Na mwana kondoo alipochukua kitabu. Il a commencé à l'ouvrir. Akaanza kukifungua. Et on a dit à Jean. Na wakamwambia Yohana. Ne pleure pas. Usilie. Parce que le lion de la tribu de Juda. Mwana simba wa kabila la Yuda. A vaincu. Ameshinda. Et il est digne d'ouvrir le livre. Na anastahili kufungua kitabu. Celui qui est mort sur la croix. Aliyekufa msalabani. C'était l'agneau de Dieu. Ilikuwa ni mwana kondoo wa Mungu. Mais le même agneau de Dieu. Lakini ule mwana kondoo. C'est le lion de la tribu de Juda. Yeye ndiye simba wa kabila la Yuda. Kwa maneno mengine. Celui qui s'est laissé immoler. Ambaye aliacha kwamba achinjwe. A étant donné. Kwa wakati fulani. Il va revêtir la casquette de roi. Atavaa mavazi ya kifalme. La casquette de juge. Atavaa mavazi ya hukumu. Et il va juger la terre. Na atahukumu dunia. Quel monde évolue. Dunia inaendelea. Que le monde choisisse des lois. Dunia hata ichague sheria. Que le monde se moque de Dieu. Dunia hata imziaki Mungu. Un jour Jésus se levera. Siku moja Yesu atasimama. Aujourd'hui la grâce est là. Leo neema iko. Il y a ceux qui se moquent de l'église. Kuna wale wanaozihaki kanisa. Il y a ceux qui se moquent de la foi. Kuna wale wanaozihaki imani. Ah, c'est votre temps. Ah, ni wakati wenu. Mais je veux vous dire. Lakini nitawaambia. Qui a un temps. Ya kwamba panamka. Où celui qui est aujourd'hui est un agneau. Ule ambaye leo ni mwana kondoo. Celui qui est aujourd'hui méprisable. Ambaye leo anadharauliwa. Celui qui est aujourd'hui rejeté. Ambao leo ana se levera comme l'agneau. Atasimama kama vile. Et il jugera la terre. Simba na atahukumu dunia. Apocalypse chapitre 7. Ufunuo sura 7. Apocalypse chapitre 6 pardon. Ufunuo sura 6 samahani. Premier verset. Kwa shaili la kwanza. La Bible dit que Jésus. Biblia inasema kwamba Yesu. Ni l'agneau. Ambaye ni mwana kondoo. Atafungua. Va rompre le premier sceau. Atavunja muhuri wa kwanza. Et on voit le cheval qui va sortir. Na unaona c'est le début de jugement. Inakuwa ni mwanzo wa hukumu. Le début de famine. Inakuwa mwanzo wa njaa. Ça c'est une autre phase. Hii inakuwa ni hatua nyingine. Là l'église est dans les airs. Hapa kanisa iko angani. Là l'église est dans la fête de l'agneau. Hapa kanisa iko ndani ya karamu. Là l'église est avec le Seigneur dans le ciel. Hapa kanisa iko pamoja na Bwana mbinguni. Mais les jugements sont en train de s'exercer sur la Lakini terre. Hukumu ziko zinatendeka hapa duniani. C'est pourquoi à la fin de cette période de sept ans, wa hii kipindi cha Jésus miaka va saba, descendre. Yesu atashuka. Et il va descendre avec l'église. Na atashuka pamoja na kanisa. J'aimerais que si tu es de l'église, tu puisses acclamer le Seigneur. Kama uko wa kanisa, oui, tu peux l'acclamer, tu peux l'apprécier partout où tu es, parce qu'à ce moment-là, tu descendras avec le Seigneur, avec triomphe et force. Et nous viendrons mettre fin au règne de l'Antichrist. Ça sera la bataille d'Hermageddon. La Bible dit, il posera ce pied sur le mont des Oliviers. Le mont qui est en face du temple. Alléluia. Zacharie chapitre 12 le Zacharia verset 4. Il posera ce pied sur la montagne et une grande vallée se créera, la vallée d'Hermageddon, et la bataille va se passer là-bas. Ça sera la fin de l'Antichrist. Et la Bible déclare l'Antichrist et son prophète, d'autres termes, la bête et le prophète furent liés et jetés dans l'état de feu. Le faux prophète et l'Antichrist vont précéder le diable même dans l'affaire. Ça c'est Apocalypse chapitre 19 le verset 20. Hapa ni ndani ya kitabu cha Ufunuo 19 mstari wa 20. Qui s'exerce pendant le millénium. Na hapa ni hukumu ambayo itakayotimilika wakati. Le diable lui-même sera pris. Shetani mwenyewe atachukuliwa. Et il sera prisonnier. Na atakuwa mfungwa. Je suis en train de dire à quelqu'un. Niko namwambia mtu. Tu es peut-être occultiste. Sasa mmoja wewe ni msuda. Tu es peut-être magicien. Sasa mmoja wewe ni mfumo. Tu es peut-être meurtrier. Sasa mmoja wewe ni muuaji. Et tu es en train de t'enorgueillir à cause de du pouvoir du diable. Saba na huko najivuna sababu na uwezo wa shetani. Nitakwambia siku moja. Tu seras prisonnier sous l'autorité de notre Seigneur Jésus. Il sera dans la prison. Il n'y aura ni puissance, ni force, ni capacité. Ce sera la fin de l'occultisme. Ça sera la fin de la magie. Ça sera la faiblesse de toutes les puissances occultes. Parce que Jésus régnera sur la terre. Et c'est là qu'il devient roi de rois. Aujourd'hui, Jésus, il est encore sacrificateur. Mais là, il sera le roi de rois. Et après ce jugement, il y aura le diable qui sera relâché. La Bible dit, on va lui donner quelques moments. Quelques jours, quelques mois. Il va être relâché. Pourquoi Satan va être relâché? Pour prouver la corruption du genre humain. Pour montrer aussi que le diable n'a pas n'a plus grâce du salut. Satan ne peut pas être sauvé. C'est toi, homme, qui a la grâce d'être sauvé. Satan va séduire la terre. Il va séduire toute la terre. Il va appeler encore les nations pour aller combattre le roi de roi. Et Jésus va les terrasser dans la bataille qu'on appelle Gog et Magog. Et Apocalypse 20 nous dit que Satan va être jeté maintenant dans l'état de feu. Ya kwamba shetani atatupwa sasa ndani ya ziwa la moto. Ni hapo. Que Dieu va se lever. Ndipo Mungu atasimama. Les morts qui étaient morts depuis longtemps. Wafu waliokufa tangu zamani. Et les morts qui sont morts pendant la grande tribulation. Na wafu waliokufa wakati wa mateso. Vont ressusciter. Wote watafufuka. Et il y aura le jugement final. Na kutakuwa sasa hukumu ya mwisho. Et ça sera la fin de l'ordre mondial. Na itakuwa mwisho wa taratibu ya dunia. Ça sera la fin du système mort. Itakuwa mwisho wa uongozi wa dunia. La Bible dit dans Apocalypse 21 le premier verset. Il dit, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Mais la mer n'était plus. Et notre Seigneur va implanter un ordre nouveau. Un nouveau ciel. ciel, ataleta mbingu mpya, une nouvelle terre, na dunia mpya. Et je crois que tu vas hériter ces temps-là. Na nafikiri nao utariti wakati huo. Je vais dire à quelqu'un, nitamwambia mtu, tous ceux qui nous attirent aujourd'hui dans le monde, yote na yotuvutia leo duniani, va avoir une fin. Itakuwa na mwisho wake. Je vais rappeler à l'église, nitakumbusha kanisa, Jésus n'est pas venu bâtir un royaume sur la terre. Yesu akukuja kujenga ufalme duniani. Un royaume terrestre. Ufalme wa dunia. Il est le roi d'un royaume qui est en train de venir. Yeye ni mfalme wa ufalme ambao yuko nakuja. Le monde est en train de subir des jugements de Dieu. Ufalme dunia iko naishi ma hukumu za Mungu. Depuis que l'homme a quitté la présence de Dieu. Tangu mwanadamu alipotoka uwepo wa Mungu. Il s'est exposé au jugement. Akaenda mbele ya hukumu. Le premier jugement était tombé. Hukumu ya kwanza ilianguka. Dieu lui a dit. Mungu akamwambia. Puisque tu as mangé de l'arbre. Sababu ulikula mti. Que je t'avais interdit. Ambao nilikuzuiza. Tu vas mourir. Utakufa. Tu y es poussière. Wewe ni mavumbi. Et tu retourneras à la poussière. Na utarudi mavumbi. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa ndani. Que nous soyons gras ou faibles. Tuwe wakubwa, que nous soyons intellectuels ou non intellectuels. Tuwe waliosoma, que nous soyons forts. Tuwe na nguvu, que nous ayons quoi que ce soit. Tuwe na yoyote. Notre destination finale, c'est la mort. Mwelekeo wetu wa mwisho ni kifo. La seule chose qui nous garantit la vie. Kitu kimoja kinachotuwezesha uzima. La seule chose qui nous garantit la paix. Kitu kimoja kinachotuwezesha uzima. C'est la relation avec Dieu. Ni uhusiano pamoja na Mungu. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Na ndio maana nitamwambia mtu. Je dis donne ta vie à Jésus. Kuambia, patia maisha yako yote. Sois en relation avec Dieu. Uwe ndani ya uhusiano pamoja na Mungu. Si tu n'es pas encore croyant. Kama wewe si mwamini. La Bible déclare le salaire du péché c'est la mort. Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Mais tu peux éviter la mort. Lakini unaweza kuepuka mauti. Adonne ta vie à Jésus. Ukimpatia Yesu maisha yako. Et toi qui as Jésus. Na wewe una Yesu. Je vais te dire il y a espoir. Nitakwambia kwamba pana tumaini. N'attache pas tes yeux au monde. Usitazame dunia. Attache tes yeux au Seigneur. Lakini utazame Bwana. Il est fidèle. Yeye ni mwaminifu. Il va conserver le juste. Atawali. Même si la mer se déchaîne, même s'il y a des troubles, le Seigneur sait conserver ceux qui sont à lui. Là où tu es, tu vas demander à Dieu de te pardonner pour l'orgueil que le monde t'a donné. Demande à Dieu de te pardonner toutes les fois que tu crois que tu es devenu quelqu'un parce que tu as l'argent, parce que tu as les diplômes. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est emporté par un orgueil humain. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a montré que tout est vanité. Tout va finir. Et ce qui restera, c'est notre relation avec Dieu. Va dans la prière. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'aimerais être attaché à toi. J'aimerais être attaché au ciel. J'aimerais être attaché à ton royaume. J'aimerais garder ma relation avec toi. Oh Jésus, nous t'élevons. Tu es le Dieu qui nous a rachetés par un grand prix, par ta mort, afin de vivre une vie éternelle. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, merci de faire de nous tes enfants. Je viens prier pour cette sœur, pour ce frère, pour cet homme, pour cette femme qui réalise qui tu es aujourd'hui. Révèle-toi dans son cœur. S'il a besoin du salut, accorde-lui le salut. S'il a besoin de l'humilité, accorde-lui l'humilité. S'il a besoin de s'attacher à toi, accorde-nous, Seigneur, d'être accroché à toi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Béni soit ton nom. Merci d'avoir accueilli ce culte. Pendant que nous continuons ces prières, Jésus, nous t'élevons. Sois le Seigneur dans nos maisons. Sois le Seigneur dans nos bureaux. Partout où nous sommes en train de t'élever. Comme un corps, Jésus agrée nos prières. Dans le nom de Jésus. Amen.